radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. Bonjour Blockbuster. Ça y est, c'est parti pour une nouvelle saison de culture pop et geek sur France Inter. Youpi! Donc moi, comme tous les ans, je vais vous écouter depuis la Norvège et j'ai hâte d'entendre les émissions que vous nous aurez préparées. Allez, bon été à tout le monde. Blockbuster est de retour avec Frédéric Segris. C'est le retour de Blockbuster à 17h. Nous accordons très heureux de savoir que Blockbuster va revenir. J'espère qu'on ne va pas nous voler son précieux. Si Blockbuster est l'émission phare de l'été, Frédéric Segris en est son gardien, fidèle à son poste et à sa mission. Tel Indiana Jones qui creuse trop profond à chaque fois. Tel Goku ou Vegeta qui n'en finissent pas de changer de couleur de cheveux. Tel Zelda qui garde la charge mentale au lieu de la filer à Link. Oui, Frédéric Segris et de ceux qui reviennent chaque fois inlassablement, encore et encore. On va s'éclater tout l'été avec... Avec Blockbuster tout to be or not to be, not to be. Bonjour, nous voici repartis pour une sixième année de Blockbuster. C'est la sixième fois que je vois tous les animateurs de l'antenne partir en vacances en me laissant les clés. J'ai l'impression d'être devenu une sorte de radio-sitter. C'est très étrange comme sensation, particulièrement cette année. Laurence Bloch, la directrice, change d'étage et est remplacée par Adèle Van Rett. J'ai vu Augustin Trapenard dire au revoir à son émission. À mon avis, on le reverra. La caractéristique des boomerangs, c'est que c'est censé revenir. Sonia De Villers et Redouane Tella arrêtent l'instant M et vont revenir avec une toute nouvelle émission qui n'aura absolument rien à voir, qui s'intitulera Le Moment N. Au niveau de la pop culture, Pop Pop Pop s'est arrêté aussi, ainsi qu'une heure en série. Bon, je vous cacherai pas que je me fais un petit peu discret dans les couloirs, hein. Je fais des roulades pour passer d'un bureau à l'autre et à la cantine, je mange sous la table. Avec un peu de chance, ils vont oublier que je suis là. Charline m'a laissé son créneau et son bureau et elle m'a bien dit « Écoute Fred, il y a des biens au frais, pense à nourrir Thomas Croisière de temps en temps. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu ne m'appelles surtout pas, je suis en vacances. » Bref, c'est de nouveau l'été. Tout est pareil et finalement, tout est différent. Et pour cette nouvelle saison, je me suis demandé avec quel sujet démarrer. J'avais envie d'un sujet qui nous rassemble, qui nous fasse sourire, quelque chose ou quelqu'un de drôle et de poétique à la fois. Michel, une distraction heureuse face aux pénuries de moutarde, à la montée des températures qu'il faut monter le niveau de l'eau, l'inflation et les extrémistes. Et qu'y a-t-il de plus distrayant qu'un distrait? Qu'y a-t-il de mieux pour retrouver le sourire que d'imaginer celui magnifique de Pierre Richard? France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Segrist. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Mais vous vous enfoncez sans réagir? Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les sables mouvants. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Accrochez-vous! Perdre une chaussure. Yves Robert, le réalisateur du film Alexandre le Bienheureux, aurait déclaré à Pierre Richard « Arrête de jouer dans le cinéma des autres. D'ailleurs, tu n'as pas beaucoup de place, tu n'es pas un jeune premier, tu n'es pas non plus une rondeur, tu as une place particulière qui n'est pas encore écrite. C'est à toi de l'écrire et de faire ta place. » Et quelle place il s'est faite! Je fais partie de cette génération, enfant de la télé, qui a grandi avec les comédies de Pierre Richard. La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs, Le Grand Blond avec une chaussure noire. Autant de comédies devenues cultes qui ont enraciné dans notre inconscient collectif cette image du distrait lunaire, maladroit, drôle, mais surtout tellement humain et touchant. Et pour évoquer ce grand monsieur du cinéma français, j'ai à mes côtés Guillemette Audicino. Bonjour! Mais bonjour Fred! Vous dirigez la rubrique cinéma à Télérama et vous êtes chroniqueux sur cette antenne dans l'émission Grand Bien Vous Fasse. Absolument, chez Ali Rebéi. et je suis bien contente de venir parler d'un grand blond avec des cheveux décoiffés et des grands yeux bleus. Déjà des cheveux, si vous saviez à quel point ça... Oui, il a des cheveux, oui, vous savez. Oui. Avec nous également Thomas Croisière, bonjour. Oui, mais bonjour Fred. Vous êtes humoriste et vous jouez votre spectacle Voyage en comédie au Théâtre de l'Œuvre à Paris du jeudi au samedi. Un très bon spectacle où on peut entendre votre chronique du même nom, Voyage en comédie, tous les jours de la semaine, cet été à 8h50 sur France Inter. Finalement, je suis cohérent Fred, vous savez. Cohérent, c'est votre deuxième prénom. Grégory Rimondreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Festival Ciné-Comédie de Lille, un festival parrainé... Ah non, non, Fred, c'est moi. Oui, oui, oui, c'est de l'autre côté. Ah non, vous êtes distrait. Oui, tout à fait. Mais je me mettais dans le rôle. Vous êtes réalisateur du documentaire Pierre Richard, le discret. Pas du tout. Pierre Richard, l'art du déséquilibre. Pierre Richard, le distrait, c'est Grégory. D'accord, ok, très bien. On a interverti. Ben, c'est très très bien. Voilà. Non, voilà. C'est juste son prénom. Les malheurs, prénom, c'est juste. Alors, vous êtes ici, comme vous êtes ici pour Stanley Kubrick. Allez, ok, je prends. Donc, Grégory, voilà. Vous êtes le directeur du festival Ciné-Comédie de Lille. Toujours pas. On peut tromper mille fois mille personnes. Grégory Monroe, vous êtes réalisateur. Je suis là. Voilà. Bonjour. Je suis là. Vous avez parlé de Pierre Richard. Voilà. Vous avez fait des documentaires dessus. Sur Pierre Richard. Voilà. Qui s'appelle Pierre Richard le discret. Très très bien. Voilà. Et en face. Et en face, Yann Marchais. Vous aussi, vous avez fait un documentaire. Un autre documentaire. Voilà. Ouais. Qui s'appelle L'art du déséquilibre. Voilà. Avec Jérémy Imbert, qui sera au téléphone dans quelques instants. Ensemble, on va retracer la carrière de Pierre Richard. Qu'est-ce qui définit son style? S'il n'y en avait qu'un, quel est le film de Pierre Richard qu'il faut avoir vu? Quelle est la dimension politique de ses personnages? Comment la pérennité de ses comédies a aussi grandement été assurée par la télévision? Et comment, à l'heure des plateformes et du streaming, s'assurer que ses grands films continueront d'être vus par les générations suivantes? Installez-vous confortablement, je déclare ouverte la 7e saison estivale de Blockbuster. Mes parents voulaient pas que je fasse ça, mais dans certaines maisons, quand j'avais 10-12 ans, on me disait toujours il faudrait que tu apprennes des petits poèmes pour le dessert. Et finalement, cette petite chose anodine est devenue très dangereuse pour les parents, parce que à force de lire des poèmes, puis de plus en plus même des Cyrano de Bergerac, puis comme je voulais pas, on m'a dit si tu le dis, on t'offrira un costume. Puis finalement, je me suis retrouvé dans la peau d'un acteur, c'est-à-dire qu'au dessert, on allait m'habiller, puis ma mère disait, mes amis, ce soir, vous aurez. Alors, ça ressemblait déjà à une représentation. Et puis j'ai dit Cyrano de Bergerac, et j'ai entendu des rires. Et faut croire qu'inconsciemment, d'avoir entendu des rires dans la salle, enfin, c'est-à-dire à table, les 15 convives qui pouvaient avoir, on les 20, ça a créé, comme en moi, une envie de faire rire, probablement. Au téléphone, j'aimerais saluer Jérémy Imbert, bonjour. Eh bien bonjour. Vous êtes, vous, bien le fondateur du Festival Ciné-Comédie de Lille. C'est ça. Ah non, c'est moi. Avec Yann Marchais. Avec Yann Marchais. Et vous êtes également le biographe officiel de Pierre Richard. Et vous avez réalisé avec lui le documentaire Pierre Richard, l'art du déséquilibre. C'est ça. On est retombé sur nos pieds. C'est bon. Voilà, c'est formidable. J'ai été investi par l'esprit de Pierre Richard. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, d'où vient Pierre Richard? D'où vient-il? Écoutez, Pierre Richard vient d'un milieu assez aisé. Et très rapidement, dans sa jeunesse, il a voulu se mettre du côté des moins fortunés. Et ce qui a donné justement cette envie de faire un métier atypique qui n'était pas considéré comme un métier à cette époque, qui était d'être comédien. C'était très mal vu quand il était enfant, parce qu'il faut rappeler que Pierre Richard est né en 1934, donc on était juste après la guerre, dans les années 50. Il a vu Danny Kaye, qui était l'idole, son idole à l'époque. Il s'est dit, c'est le métier que je veux faire. Et envers et contre toute sa famille, qui voyait ça d'un mauvais œil, il s'est dit, je veux me lancer dans le métier de comédien. Voilà, c'était déjà un défi de l'autorité. Et Jérémy Imbert, pour les auditeurs qui n'auraient pas la chance de connaître Danny Kaye, quel genre de comédien c'était et en quoi il a trouvé des similitudes avec lui? Alors c'est vrai que Danny Kaye, oui, peu de gens le connaissent aujourd'hui, il a été un petit peu oublié, malheureusement. Physiquement, c'est un petit peu le Pierre Richard des débuts, c'est-à-dire c'est un grand, des cheveux blonds frisés, des yeux bleus et un doux rêveur. Donc, on le voit dans les films comme La vie secrète de Walter Mitty, qui est peut-être son film le plus célèbre. Il y a eu un remake il y a quelques années par Ben Stiller. Ben Stiller, oui. Et voilà. Et La vie secrète de Walter Mitty avec donc Danny Kaye. Et la particularité de Danny Kaye, c'est qu'il était à la fois comédien, chanteur, danseur. Et ça, ça a tout de suite marqué Pierre Richard, qui rêvait de faire de la comédie musicale, de chanter, de danser, de s'exprimer, en fait, avec son corps. Comme les grands burlesques Tati, Keaton, Chaplin avant lui. Et avant même d'officier au cinéma, il a eu une carrière assez importante dans les cabarets avec Victor Lanoux. Oui, alors Pierre Richard a démarré, pris des cours chez Charles Dullin, donc au cours Dullin, et puis ensuite il a écumé les cabarets avec différentes personnes, mais le plus célèbre étant Victor Lanoux, avec qui ils ont créé un duo qui était fameux, très célèbre duo. Il faisait 4 ou 5 spectacles dans 4 ou 5 cabarets chaque soir. Il rentrait épuisé, et notamment parce que ils avaient trouvé un duo où Victor Lanoux était déjà le grand effort et Pierre Richard était le mince et le souffre-douleur du grand costaud. Et donc ils se prenaient des gifles dans chaque spectacle, et les gifles étaient réelles. C'est ce que Pierre Richard raconte souvent, c'est que Victor Lanoux lui donnait des gifles et à la fin de la soirée, il avait les joues rouges de douleur, mais ça faisait partie de la mécanique du rire pour que le public soit hilar, il fallait que les gifles soient réelles. C'est un des rares moments où on n'est pas heureux d'avoir de nombreuses dates à venir quand on a un sketch à base de claques. Et sa rencontre avec le cinéma, elle est arrivée comment exactement? Parce que son premier film, c'est Le Distrait qu'il a réalisé lui-même. Alors non, il a d'abord été mis en scène par Yves Robert, qui avait écrit un petit rôle pour lui, mais il l'a écrit vraiment spécifiquement pour Pierre Richard dans Alexandre le Bienheureux. Il jouait un des camarades de Philippe Noiret, qui était le héros du film, et qui se retrouvait au bar, etc. Et il avait déjà montré toute l'étendue de ses capacités gestuelles, notamment avec un fameux grand écart lorsqu'il essaye de s'approcher de la maison dans laquelle Philippe Noiret s'enferme. Il veut plus sortir de chez lui, il a des saucissons attachés au bout d'un fil et il vit en autarcie dans sa maison. Tout le monde essaye de le faire sortir de la maison et Pierre Richard fait une sorte de parade militaire comme ça. Il fait un parcours du combattant et voilà, ce premier rôle a été écrit pour Pierre Richard. Et ensuite, effectivement, il a demandé il a apporté son scénario du Distrait à Yves Robert. Et là, ça a été son premier film comme réalisateur. Thomas Croisière, votre rencontre avec Pierre Richard, alors on sait que vous êtes un grand amateur de comédie française, mais à quel moment justement vous vous êtes dit « Oh, lui il est spécial ». Mais moi c'est quand j'ai vu Les Malheurs d'Alfred, j'étais très jeune et c'était une parodie d'Interville où il y avait une épreuve qui était Paris contre province avec un vilain animateur qui était interprété par Pierre Mondy et lui il était amoureux d'Annie Dupéret. Et la province, enfin Paris devait perdre contre la province, c'est pour ça qu'il n'y avait qu'une équipe de bras cassés composée de Pierre Richard, de Mario David, etc. Et bien sûr, la malchance, le hasard faisait qu'il gagnait. Et à la fin, une très très belle déclaration d'amour sur un trampoline. Et j'ai adoré ce film, que je regarde encore régulièrement, et c'est le premier que j'ai montré à mon aîné, qui se prénomme Alfred. Tout se rejoint. Tout se rejoint, tout est cohérent. Je vous l'ai dit Fred, tout est cohérent. Grégory Mauron, vous aimez les grandes figures de comiques physiques investies, et comment s'est passée votre rencontre avec Pierre Richard? Ah, j'ai rencontré Pierre plusieurs fois, mais je suis allé voir au théâtre. Ma rencontre, on va dire personnelle, vous le dire. Oui, même en tant que spectateur. Ah bah alors d'abord en tant que spectateur, ça remonte très très loin. Je peux pas vous dire le premier film que j'ai vu avec Pierre. Je me souviens en tout cas du jouet qui m'avait beaucoup marqué, oui. Que j'aime beaucoup. Je veux ça. Évidemment la chèvre. Et je suis allé voir au cinéma Le Jumeau. Ah, le de Yves Robert, je crois que c'était en 84. Et c'est génial, c'est vrai que ce film-là, on le cite assez peu, mais moi j'adore ce film. Alors je l'adore parce que j'étais enfant, j'avais 9 ans, je crois qu'il est sorti en 84, il me semble. Oui, c'est ça. Et ça m'avait... je me suis dit, oh, j'ai envie de faire ça en fait. J'ai envie d'être lui. Et puis en plus, ne serait-ce que pour les jumelles. Et c'est ça qui est fascinant avec Pierre Richard. On pourrait pas imaginer que ce personnage-là, qui finalement est très entre guillemets maladroit, fout tout en l'air, fout en l'air un peu l'ordre établi, etc. Et il finit toujours finalement par gagner les filles, quoi. Il finit toujours par être avec ses filles à gagner l'amour. Et tu l'as revu, ça, c'est beau. Tu l'as revu, Le Jumeau, ou pas? Parce que moi, je l'ai vu à 10 ans au cinéma, je ne l'ai pas revu. Je l'ai revu. Et ça vaut le coup? Moi, j'adore, mais je le vois pas avec mes yeux d'aujourd'hui, je le vois avec mes yeux d'enfant. Mais comme tous les films qu'on a aimés, je pense tous, quand on était enfant, qu'on les a découverts, on les re-regarde, ça s'appelle la nostalgie, avec cet œil-là, nostalgique. Donc, Pierre, voilà, je l'ai découvert comme ça, à cette époque-là, quand j'étais tout jeune. Et après, Pierre, voilà, je suis allé voir au théâtre plusieurs fois. Et puis là, dans l'optique de faire un documentaire sur lui, sachant qu'il y en avait déjà un, notamment L'Art du Déséquilibre. Lequel est le mieux? Comparse. Les deux se complètent. J'ai vu les deux. Non, il n'y a pas de mieux. C'est deux approches différentes. Mais c'est vrai que moi, j'étais plus focalisé sur l'artiste, sans doute peut-être quelque part un peu incompris. Et aussi inattendu, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on oublie que Pierre a commencé finalement sa carrière. Alors c'est vrai qu'il y a eu Alexandre de Bienheureux, mais il a commencé par réaliser, il a commencé à faire un peu ce que faisait Buster Keaton ou Chaplin ou Outre-Atlantique. Donc c'est ça moi qui me fascinait, c'est ces comiques, mais un peu comme Jerry Lewis aussi, qui ont créé un personnage et qui l'ont pensé à l'écriture et qui ont écrit des œuvres d'auteurs aussi, d'auteurs comiques. En plus, dénonciatrice. Alors après, on y viendra peut-être, c'est ça que je trouve assez intéressant et qu'on oublie souvent avec Pierre Richard. C'est lui qui a créé son personnage. Et en contre-pied de l'époque, parce que le burlesque à l'époque n'était pas bankable, entre guillemets. C'est d'ailleurs Yves Robert qui finance son premier film pour soutenir cette démarche-là. Absolument. Absolument. Jérémy Imbert, je vous remercie d'avoir été avec nous pour évoquer d'où vous êtes, Pierre Richard. Et est-ce que vous pensez aussi que c'est comme ça vient d'être dit, que Pierre Richard est un acteur incompris dans l'analyse qu'on fait de sa carrière? Dernière question. Bah, incompris, petit à petit, tous les gens le comprennent, puisqu'il est, il rassemble même toute la famille, grâce notamment à son arme dont vous parliez tout à l'heure. En fait, c'est son arme principale, c'est la gentillesse, c'est la bienveillance. Et d'ailleurs, dans sa première scène de son premier film, quand il va vers le gendarme, qui est la figure de l'autorité, le gendarme ouvre les bras pour faire la circulation. Et qu'est-ce que fait Pierre Richard? Il le prend dans les bras. Voilà, c'est la meilleure arme face à l'autorité, c'est la gentillesse, la bienveillance. Et Pierre Richard, c'est tout ça à la fois. Et c'est il peut rassembler toute la famille, toutes les générations. Merci beaucoup, Jérémy Imbert. Merci à vous. Si certains réalisateurs sont indissociables de la carrière de Pierre Richard, il y a également un compositeur qu'on ne peut pas passer sous silence. On écoute le thème du Grand Blond avec une chaussure noire de Vladimir Cosma. Le Grand Blond avec une chaussure noire de Vladimir Cosma dans Blockbuster sur France Inter. Oh, oh, oh, il est à moi le chariot là, hein? Pardon? Le chariot, je viens de le sortir pour mes bagages. Mais vous fâchez pas, t'as pas marqué dessus qu'il est à vous le chariot. Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot. Enfin quoi, merde, je fais des kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche. Non mais on n'a pas besoin d'un chariot pour deux valises, allez venez. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti? Hein? Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben, tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez, prends les chariots effilés. Gros connard. Vous avez de la chance. Pédé. Je suis arrivé à contrôle total. En route. Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds. Vous l'avez reconnu, c'était bien évidemment un extrait de La Chèvre de Francis Weber, sorti en 1981. Guillemette Odissino, oui. Vous me disiez hors antenne que la critique avait toujours eu un petit peu la dent dure avec Pierre Richard parce qu'on avait un problème en France avec le burlesque. Bah oui, la critique a été très dure avec Louis de Funès par exemple. Je pense aussi qu'elle n'a pas reconnu Pierre Richard à sa juste valeur rapidement. Parce qu'effectivement, en France, on aime le comique verbal. On aime les saillies, on aime les dialogues. On arrive de Sacha Guitry, hein, pour aller vite. Donc en fait, on aime l'humour dans la langue. En revanche, le comique physique... glisser sur une peau de banane, se prendre un tapis, rebondir, sauter au mur, au plafond, etc. C'est pas des choses, bizarrement, que le cinéma français met en valeur et admire. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment, c'est un culte envers tous ces comiques, que ce soit Jerry Lewis, enfin tous, qui se sont servis de leur corps avant tout. Donc je pense que vraiment, il y a eu un moment pour qu'on réalise à quel point, mais Pierre Richard avait été, mais novateur, et que son corps était un élément perturbateur aussi. C'est-à-dire, il n'était pas qu'un type qui se casse la gueule. En se cassant la gueule, ce type fait s'effondrer toute une structure sociale, patriarcale, capitaliste. Enfin, il fout le bordel dans les institutions françaises. C'est ça qui est génial. Et on s'en est aperçu un peu tard, ça. Thomas Croisière. Mais d'ailleurs, il disait « Je suis meilleur avec mes jambes qu'avec ma langue ». C'est vraiment la base de son humour. Ce qui est assez particulier chez Pierre Richard, justement, c'est que je trouve qu'il a à la fois, évidemment, une grande gestuelle, il est très habile avec son corps, mais également, c'est un grand dialoguiste, parce que si on regarde ses premiers films, il y a une grande habileté au niveau des dialogues, et c'est assez rare, parce que généralement, effectivement, les auteurs comiques, soit c'est des gens qui manient très bien le verbe, soit le corps. Et Pierre Richard, je trouve qu'il associe les deux. Après, on parlait effectivement du rôle des critiques, c'est vrai que globalement, la critique française a eu la dent dure contre la comédie française, et notamment Louis de Funès. Pierre Richard, c'était un peu plus partagé, parce que quand il est arrivé au début des années 70, des films comme Le Distrait ou Les Mères d'Alfred étaient plutôt bien reçus, parce que justement, il y avait ce côté dénonciateur. Je me souviens notamment de certaines critiques de Télérama que j'avais lues à l'époque en reprenant les archives. Mais il y a toujours effectivement une certaine, en disant, voilà, c'est sympa, mais ça ne donnera jamais un grand drame. C'est le côté poétique qui l'a sauvé aussi. Exactement. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose immédiatement, on sentait une poésie, peut-être même une mélancolie un peu cachée derrière ce grand corps maladroit. C'est ça aussi qui a fait que la critique s'est demandé exactement quel était le mystère de ce grand échalas. Ils avaient du mal aussi à le cerner. Et puis ce qui est intéressant aussi avec Pierre Richard, c'est que certes, il a fait des comédies populaires, et c'est parfois ce qu'on reproche justement aux comiques, c'est de faire des films qui marchent très bien au box-office. Mais en même temps, il n'a pas hésité à faire des pas de côté, y compris dans les 70, où il était vraiment au top de sa carrière, en allant chez Jacques Rosier, par exemple, en faisant Un nuage entre les dents de Marco Picot. Donc c'est quelqu'un qui a toujours pris des risques, malgré son succès énorme. Il aurait pu faire une carrière un peu à la Belmondo, de dire, bon, je fais, à chaque fois que je fais un film, je vais être en haut de l'affiche. Et il a partagé l'affiche, et en même temps, il n'a pas hésité de temps en temps à prendre des risques pour aller sur des films d'auteur. Et Yann Marchais, on le disait, il est issu d'une famille assez aisée. Il a été élevé par son grand-père dans un château. On voit des photos de lui, on dirait vraiment le petit prince. D'ailleurs, Pierre Richard, adulte, c'est le petit prince qu'on aurait laissé grandir, hein, avec ses cheveux, ses yeux très très clairs. Et pourtant, dans son cinéma, on sent qu'il n'a eu de cesse, de manière très polie, mais de faire une sorte de doigt d'honneur maladroit, mais aux institutions dont il est issu et à la famille dont il vient. Effectivement, ça on le perçoit d'ailleurs dès son premier film, Le Distrait, parce que dans Le Distrait, rappelez-vous, il est issu d'une famille très bourgeoise qui ne le comprend pas, c'est une sorte de raté, il a déjà une trentaine d'années, puis il n'a pas de boulot, on ne sait pas trop ce qu'il fait, du coup on lui dit, bon, on va te donner un petit boulot dans la pub. Et donc, il est à la fois la risée de ces gens-là, et en même temps, par sa maladresse, il va finir par détruire toutes ces institutions, y compris notamment Bernard Blier, qui est le patron de cette agence Jericho, et qui se retrouve avec ce stagiaire. Blier qui se retrouvera souvent dans le rôle de la figure paternelle qui galère contre lequel il faut se rebeller. Je sais rien, mais je dirais tout, avec Gastier Leroy, où là c'est encore plus proche en fait de sa famille, parce que c'est vraiment des très grands bourgeois avec des polytechniciens, il y a même un évêque, et donc en plus on parle de l'armement, donc il y a à la fois ce discours justement contre les grandes sociétés, le grand capital, et aussi cette critique aussi de des sociétés d'armement, et c'est vrai que finalement il poussait vraiment très très loin justement la critique sociale. Surtout dans ces trois premiers films. Grégory Moreau, il y a justement dans Je sais rien mais je dirais tout, un plan qui m'est resté en tête et qui est assez étonnant dans ce qui était présenté comme une comédie, c'est cette image, ce plan de l'ourson qui se fait mitrailler et qui saigne. Qui saigne, ouais. Et il y a quelque chose presque d'expérimental dans ce qui est montré. C'était très expérimental, mais il avait une mise dans l'image, une mise en scène, il y avait une volonté, vraiment une recherche du cadre, vraiment de la véritable mise en scène. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Pierre Richard est un auteur, mais dans tous les sens du terme, c'est aussi un cinéaste, hein, dans le sens auteur. Il y avait vraiment une recherche de ça et d'images qui marquent. Et effectivement, ça c'est une séquence assez étonnante parce qu'elle est en noir et blanc. Il semble que c'est un drain de ses souvenirs. Spielberg, je crois, l'a repris pour la liste de Schindler. C'est audacieux, mais je valide ce propos. Non, mais c'est vrai que quand ce petit ourson, lui, est enfant, ce petit ourson se fait tirer dessus, donc on est en noir et blanc et il saigne, le sang est rouge. C'est quand même assez étonnant, effectivement. Mais vous avez d'autres séquences comme ça qui sont assez étonnantes. Il me semble que c'est dans le distrait, non, où il y a ce dîner-là. Avec tous ces bourgeois. Oui, avec ses parents. Avec ses parents, ses bourgeois, etc. Avec des très très gros plans, limite à la Sergio Leone. Et un montage extrêmement surdécoupé. C'est franchement assez étonnant, effectivement. Ouais. On va poursuivre notre exploration de la carrière de Pierre Richard, mais avant cela, on va se faire une petite pause musicale avec Joe Joa et Lieutenant Nicholson qui nous interprète Cœur Béton. Cette émission est réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Manon Rax et Benjamin Ducy, avec l'aide de notre stagiaire réalisation Benjamin Woodcock, et aujourd'hui à la technique, Élise Christophe et Ludovic Asselot au mixage. C'était deux Joa et lieutenant Nicholson sur France Inter. Ah, c'était pas Michel. L'homme qui ne vend pas est un malade, un pervers aux yeux de celui qui achète. Non, c'est le contraire. C'est l'homme qui n'achète pas qui est un malade, qui est un pervers aux yeux de celui qui ment. Qui vend. Pas qui ment. Qui vend. C'est la même chose d'ailleurs. C'est pas la même chose que le contraire, mais ça n'a aucun rapport. Il faut donc concevoir la publicité comme un malade, voyez-vous. Comme un traitement. Un médecin, je veux dire. Un médecin fait un traitement à un malade, voilà. Et un traitement érioque, hein, l'électrochic. Choc. Héroïque. Genre, enfin, je m'explique. Plique. Le sollicité par la publicité choc, le cortex du non-consommateur est titillé par des scouts. Voyez-vous ? Des scouts, je veux dire. Le cortex par des scouts. Pas par des scouts. Les scouts n'ont vraiment aucun intérêt dans la consommation. Alors vraiment pour très peu de choses. Des bas de laine, un peu de beurre basse, mais enfin, ça n'a aucun importance. Alors, les scouts, prennent, si vous voulez, la forme de ligne brisée, verticale, que j'appellerais l'hésitation, le mauvais vouloir, voyez-vous, je n'achète pas, achèterai-je, je n'achète pas, achèterai-je, je n'achète pas, achèterai-je, et qui se transforme peu à peu en une courbe zénitale, qui est la soif d'acheter. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, j'achète. Et voilà, monsieur le directeur. C'est fabuleux. C'était un extrait du Distrait sorti en 1970. Et là, évidemment, ça fait mentir ce qu'on disait depuis le début. C'est un excellent dialoguiste. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir non seulement l'écrire, il faut pouvoir la jouer. Oui, dialoguiste. En fait, c'est plutôt la performance. À nouveau burlesque, la manière dont les mots, eux aussi, sont en déséquilibre, en équilibre, en déséquilibre, qui fait la performance. C'est pas le... Avec si, quand même, mentir et vendre, ça ment, ça vend, ça c'est absolument génial, effectivement. Donc il y a énormément de fond dans ce qu'il dit. Mais c'est quand même, à nouveau, bizarrement, un humour corporel. C'est avec la langue qui fait tous ces trucs-là. Enfin, ça part du corps. C'est physique, ouais, oui, c'est physique. Ça part du corps. Oui, et d'ailleurs, il y a cette coordination entre le langage et le corps qui est toujours un petit peu instable chez Pierre Richard. C'est-à-dire que les gens vont trop vite, des fois, et où la parole va trop vite. Donc il y a toujours cette distorsion, on va dire. Une certaine hyperactivité, on y a aujourd'hui, je pense, certains. Pierre Richard est un monument de bonne humeur et de gentillesse et de talent. Mais il a existé des gens sur cette terre, à certaines époques, Pierre Richard, il n'aime pas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Pierre Richard est quelqu'un qui, au cinéma, ne m'a jamais fait rire. Je sais pas si c'est une sorte de maladie d'infirmité. Je ne l'ai jamais trouvé drôle. Je n'ai jamais compris son succès. Il me fait pas rire non plus au cinéma, mais là, il m'a pas fait rire en plus au théâtre. Mais je trouve pas ça désagréable. On s'ennuie modérément. Un petit mot, est-ce qu'il faut dire quelque chose du Distrait, le premier film comique de Monsieur Richard? Personne n'a rien envie d'en dire. Oh, c'est dû, à mon avis, un peu du sous-étex. Sous-étex. Ouais. Puis vous allez refaire un film comique sur la distraction, en fait, même. Oui, faire une c'est un film très fabriqué, en fin de compte, très artificiel. Moi, j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on voit Pierre Richard en Distrait, en Lunaire. Moi, il me semble qu'il est d'une consternante facilité d'avoir confié ce rôle à un acteur qui en est devenu spécialiste et qui est en quelque sorte un licencié escalamité. C'est Miss Catastrophe depuis 20 ans. D'ailleurs, il y a une réplique qu'il illustre quand il dit à Depardieu, pour prouver combien il est monsieur manque de peau, il dit: un jour je me suis électrocuté en branchant une cafetière électrique, moi qui voulais du jus j'ai été servi. Thomas Croisière. Oui, mais c'est encore le complot de France Inter, tout ça, c'est très cohérent. Mais ça vient aussi du fait, je pense, qu'il était ami avec Michel Sardou, d'ailleurs. Puisque je vous rappelle, Pierre Richard joue dans le clip. Il joue dans le clip de Marie-Jeanne. Et je sais que vous ne voulez pas en parler aujourd'hui, mais c'est l'objectif de ma venue ici, pour rappeler qu'ensemble, ils ont même partagé l'affiche de promotion canapé. Je reconnais bien la France Inter dans son traitement de la culture populaire. Heureusement que je suis là tous les matins, à 8h55, pour redresser le niveau de cette station. À un moment donné, j'ai eu peur qu'il soit utile autour de cette table. Et en fait, non, clairement, non. Guillaume Todisino, on a quand même évolué très largement dans l'appréciation qu'on fait aujourd'hui de Pierre Richard. Ah oui, non, mais totalement. En fait, c'est drôle. Je pense que d'abord, il y a toujours, c'est agaçant, mais c'est comme ça, hein, il y a toujours le vernis vintage qui aide. C'est-à-dire de revoir certains films avec un regard neuf, dégager en fait de l'ambiance de l'époque. Et il y a des choses qui deviennent saillantes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la critique sociale, le côté anti-système. Ça devient encore plus saillant aujourd'hui, le côté anti-armement, enfin, tous ces trucs-là. Et on commence de temps en temps à trouver chez les Français les mêmes qualités que chez les Américains. Il serait temps. Parce qu'en France, on a un truc comme ça. On aime certaines choses outre-Atlantique et chez nous, on n'aime pas. Et là, quand même, il y a un équilibre qui est en train de se... Bah, de toute façon, Louis de Funès, ça y est, tout le monde hurle au génie. Pierre Richard, c'est pareil. Et je suis assez d'accord pour dire que le fait que Pierre Richard ait aussi fait quelques films d'auteur, par exemple Les Naufragés de l'île de la Tortue, qui est un chef-d'œuvre absolu de Jacques Rosier, de voir en fait le côté inquiétant. Il ne l'a pas énormément montré, mais il y a quelques films d'auteur où il a montré un aspect inquiétant, follement mélancolique. Et là, on s'est dit, oh là là, mais alors, si cet homme-là était si drôle, mais peut-être en même temps à des parts d'ombre, alors là, ça rachète tout le monde, ça. Les comiques, quand on s'aperçoit qu'ils sont un peu plus tristes qu'on ne pensait, alors là, du mais coup, ils ont un blanc-seing. Ne sont pas esclaves de leur clown. Oui, absolument, qu'ils ne sont pas esclaves de leur clown. Et puis, c'est ce que tu dis aussi sur le temps. C'est comme le cinéma de Claude Lelouch, qu'aujourd'hui, on commence à vraiment saluer. C'est comme demain, sans doute, le cinéma de Philippe Lachaud. Va falloir attendre une génération, mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que c'est d'abord le public, et on se souvient très bien quand Claude Zidi, pour Les Ripoux, prend son César du meilleur réalisateur, les seules personnes qu'il remercie, ça faisait 15 films populaires qu'il faisait, c'est le public français. Parce qu'il se sentait bien seul à faire ses comédies populaires. Et c'est le même sujet sur Pierre Richard. Mais là, pour revenir sur la manière de composer un film, dans les trois films dont il a assuré la réalisation, ce qui est assez impressionnant, c'est que justement cet art du burlesque, qui est un art du corps, du mouvement, il faut savoir le filmer. C'est-à-dire qu'il faut aussi être un cador derrière la caméra pour savoir quand est-ce qu'il va sortir ou non du champ, pouvoir le filmer en plan large, savoir qu'au moment où il va sauter d'une table sur un fauteuil, il va se renverser, etc. Ça demande aussi un œil et un travail sur le visuel qui n'est pas forcément quelque chose qui vient facilement dans le cinéma français, Yann Marchais. D'autant plus que Pierre Richard se lui est un peu tombé dessus quand Yves Robert effectivement lui conseille de créer son personnage, qu'il avait évidemment ressenti qu'il avait un personnage et qu'il aurait beaucoup de mal justement à avoir des rôles avec d'autres réalisateurs, à part évidemment avec Yves Robert. Et donc quand il commence justement, il décide de passer à la mise en scène, au départ il ne veut pas être réalisateur. C'est Yves Robert qui l'encourage à devenir à réaliser son propre film. Évidemment avec un assistant à la mise en scène qui va pouvoir l'aider, notamment sur les parties techniques, parce qu'il connaissait absolument pas ça. Par contre, il a des intuitions. Et il a l'intuition notamment qu'il faut des cadres larges, un petit peu comme on retrouve chez Jacques Tati, parce que c'est là où on peut exprimer justement à la fois le gag, la gestuelle, et éviter les découpages. Donc il a des idées comme ça, des intuitions qui vont se révéler bonnes. Et puis évidemment, il a aussi l'aide d'Yves Robert sur ce premier film. S'ajoute également l'arrivée de Vladimir Cosma, parce que Cosma fait la musique de Alexandre le Bienheureux, qui d'ailleurs devait être au départ réalisé par Michel Legrand. Et Michel Legrand doit aller aux États-Unis et donc il y a son assistant Vladimir Cosma. Voilà, il propose à Yves Robert que Vladimir Cosma fasse la musique d'Alexandre Bienheureux. Et c'est donc à la fois la rencontre avec Yves Robert, ils vont travailler ensemble sur plusieurs films, mais évidemment avec Pierre Richard. Et Vladimir Cosma va finalement écrire l'une de ses plus belles partitions avec Pierre Richard, parce qu'il a cerné justement ce personnage. Donc l'association finalement de différents types de talents, et puis cette formidable intuition de Pierre Richard, vont faire en fait son style, sa patte, dès le Distrait. Et en fait, dans le Distrait, on retrouve tout Pierre Richard. Non, mais c'est important ce que vous dites là, parce qu'un film, c'est trois auteurs, le scénariste bien évidemment, le réalisateur et le compositeur. Et dans le cas de Vladimir Cosma, il est essentiel pour toutes ces comédies des années 70-80. Oui, il a créé, Vladimir Cosma, mais comme d'autres compositeurs, mais il a créé une musique Pierre Richard. C'est-à-dire qu'il a créé une musique qui incarne, qui est personnifiée. Et c'est assez rare d'ailleurs, mais que ce soit dans Distrait ou dans Grand Blond, il a suivi la rythmique du corps de Pierre Richard. Ouais, et c'est assez rare, on peut pas tout le temps le faire, mais c'est si vraiment on parle de rythmique, enfin, il y a quand même un mot qu'on n'a pas prononcé, enfin même deux, c'est chorégraphie et cascade. Parce que quand même, d'abord, effectivement, il y a vraiment une mise en scène inspirée. Quand il se filme lui-même, il y a des entrées de chant, des sorties de chant qui sont vraiment incroyables. Mais il y a aussi, c'est une chorégraphie. Il auto-chorégraphie son propre corps. Et même après, quand il va se casser la gueule ou qu'il va dans le Grand Blond, quand il ouvre le lit Non mais quand il ouvre le canapé, le clic-clac de Mireille Darc, et qu'il saute partout, quand il perd sa clope au milieu de son entrejambe, etc. C'est des chorégraphies qui sont vraiment des cascades. Je pense que même moi je me casserais la cheville. Non, faut pas. Voilà. Mais d'ailleurs, Jackie Chan, qui lui aussi est connu pour faire ses films, filmés en plan large, où il est un grand fan de Pierre Richard, et c'est un des noms qu'il cite sur le cinéma français qui l'ont inspiré. Pierre Richard est une influence du cinéma de Hong Kong. Et Jean-Paul Belmondo aussi. Belmondo. Non, mais parce qu'on parle tout le temps des cascades de Belmondo. Évidemment que s'accrocher à un hélicoptère ou courir sur un métro, c'est impressionnant. Mais je pense qu'on peut vraiment se faire mal avec les cascades de Pierre Richard aussi. Hein. Donc il y a vraiment un talent incroyable. Vous savez, aux urgences, on voit des gens arriver avec des accidents ridicules. Oui, voilà. Le coin de table. Donc en fait, c'est vraiment au-delà du comique, il y a une maîtrise aussi de son corps. C'est-à-dire, c'est l'art du déséquilibre, mais franchement équilibré. Hein. Ça doit être mais millimétré, je ne sais pas comment il fait. Quand on revoit certaines cascades de ces vieux films, c'est incroyable. Il y a une scène incroyable dans Les Malheurs d'Alfred, où justement il invite une fille chez lui, et avant qu'elle arrive, il répète une séquence pour l'impressionner, mettant un disque, la coupe de champagne, etc. C'est hyper millimétré, c'est d'une grande dextérité. Évidemment, la fille arrive, ça devient une véritable catastrophe. Et dans les deux cas, il réussit une séquence parfaite, justement, on parlait de cascade. Et Pierre Richard a une jolie phrase pour dire ça, il faut réussir son ratage. Et il y a un peu de ça chez les comics, c'est comment réussir justement ce qu'on va rater. Ce qui est vraiment un exercice extrêmement difficile. On retrouve ça également dans la série des Grands Blonds, il y a des séquences d'anthologie, effectivement, qui montrent sa capacité à réussir de belles cascades. Bien échouer sa vie, c'est compliqué. Exactement. On arrive tranquillement vers la dernière partie de cette émission, mais avant ça, on écoute une nouvelle chanson qui va faire le plaisir de Thomas Croisière. J'ai peur. Arlo Parks qui nous interprète Softly. Ça changera jamais. Softly, Softly d'Arlo Parks sur Blockbuster. Ça. Le Zorro ? Non. Le cosmonaute ? Non, ça. Le monsieur ? Oui. On peut pas te le donner, mon chéri. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est un monsieur. On ne peut pas te donner un monsieur. Pourquoi ? Vous accepteriez une chose pareille, vous ? C'est pas moi qui veux, c'est vous. Alors ? C'est arrangé, mon chéri. Le monsieur va venir avec toi. Je veux qu'on fasse un paquet. Un extrait de mon film préféré de Pierre Richard, Le Jouet de Francis Weber, sorti en 1976. Et c'est une époque où justement ce personnage de timide, lunaire, un peu maladroit, il le prête à d'autres réalisateurs et notamment Francis Weber qui va en faire tout ce qu'on sait avec Les Compères, La Chèvre, Les Fugitifs et notamment Le Jouet. Et toi aussi, tu pleures à la fin du Jouet, parce que moi, je ne peux pas m'empêcher de pleurer à la fin du Jouet. Tu sais, quand il sort du taxi de son père et qu'il saute dans les bras de Pierre Richard, mais rien que d'y parler, enfin rien que d'en parler, j'ai une émotion. C'est, ça me fait chialer à chaque fois. Et il y a cette musique de Vladimir Kosma qui partit beaucoup à ça. Ouais. Alors, comment il a vécu ce prêt de personnage qui, au bout d'un moment, est presque devenu quelque chose d'autonome et qui a fait oublier son statut de réalisateur, d'ailleurs. En fait, il a toujours fait ça parce qu'il démarre effectivement comme réalisateur avec Le Distrait, il enchaîne très vite avec Les Malheurs d'Alfred, et en même temps, il fait Yves Robert avec les deux grands blonds, Georges Lautner aussi en 76, la même année avec On aura tout vu, sans oublier bien évidemment Claude Zidi, La Moutarde me moutonnait, La Course à l'échalote. Donc c'est à la fois son personnage, mais à chaque fois effectivement avec des quelques ruptures, des choses un petit peu différentes. Par exemple chez Zidi, c'est justement très burlesque, très dans la gestuelle, le gag. Et c'est vrai qu'avec Weber, il va passer à une autre étape, à la fois une grande maîtrise au niveau du scénario, des dialogues. Et finalement, Weber va façonner d'une certaine façon Pierre Richard, mais de l'autre, Pierre Richard va apporter sa fantaisie à Francis Weber. Et si je me trompe pas, Weber était scénariste sur Le Grand Blond aussi, donc il connaissait déjà un peu exactement, le personnage. Exactement, ouais. Ouais. Et c'est vrai que sur le Jouet, je dirais que c'est un peu la rencontre des deux, parce que par exemple, à partir de La Chèvre, déjà, c'est un partage d'affiche avec Gérard Depardieu, mais on va aller plus vers du Weber. Et Weber, c'est un style qui est c'est très mécanique, c'est presque chirurgical. Et dans le Jouet, il y a une grande émotion qu'on perd aussi un petit peu dans les films d'après de Francis Weber. Non, dans Le Fugitif. Non. Ah, et beaucoup oui, d'émotion c'est vrai. Dans Le Fugitif. C'est vrai. Pardon, j'ai dit une bêtise. Où il y a un enfant. Dans Le Jouet, il y a un côté sensible qui est très fort. Et donc, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, Le Jouet, c'est un de nos films préférés parce qu'il y a cette émotion. Et puis en même temps, on rêvait aussi Michel d'être le gamin, même s'il était insupportable. Qui est grandiose. Le président Rambalcocher. Combien pour la maison ? C'est une scène formidable. Et là, il n'y a pas Pierre Richard dedans. Et même cette scène où il demande à un de ses collaborateurs d'ôter son pantalon. Jacques François. C'est un film qui est, si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le, c'est truffé de moments cultes qui n'ont pas vieilli du tout et qui interrogent toujours sur le rapport des puissants au reste du monde. Vraiment, pour moi, je trouve que c'est vraiment la fusion des deux qualités de Pierre Richard, acteur et réalisateur, et de Francis Weber, qui effectivement, lui, est très très dans la maîtrise. Même en interview, on le voit, il n'y a pas un mot qui dépasse. Ouais, c'est une grande mécanique comique, effectivement. Et d'ailleurs, pour le jouer, finalement, Pierre Richard donne sa chance à Francis Weber, parce qu'il était que scénariste, parce qu'il est déjà énorme en soi. Mais grâce à l'aura et au fait que Pierre Richard était une star absolue à cette époque-là, il fait son premier film, qui va être d'ailleurs un film, ça va être un succès mitigé, oui. Un film n'a pas très bien marché par rapport au niveau d'un Pierre Richard. Il va faire un peu plus d'un million d'entrées. Alors, d'habitude, il était plutôt sur entre 2 et 3 millions d'entrées. Et Weber va beaucoup hésiter à être à nouveau réalisateur. Il va d'ailleurs continuer après à être scénariste. Il va revenir 3 ans plus tard avec La Chèvre. Grégory Moreau, c'est aussi la création de quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en France, qui est ce que les Américains appellent le buddy movie, c'est-à-dire avec les deux personnages que tout oppose. Oui. On pense souvent à L'Arme fatale, à Bad Boys, etc., tous ces films américains, mais nous, en fait, ça fait des années que ce principe des... la Grande Vadrouille, ben, déjà. Du duo... Bourville de Funès, ou même Laurel et Hardy... Le petit monde de Don Camillo. Absolument, oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais c'est le principe, c'est une différente forme de comique en fait, de comédie. La comédie de verbe, il y a la comédie de la comédie gestuelle, le verbe, le burlesque, et puis il y a cette comédie à deux. Effectivement, mais ça vient, c'est très complexe à maîtriser. C'est tout à l'heure on en parlait de ça, mais je crois qu'il faut que les auditeurs comprennent que la comédie, en fait, c'est pas drôle. En termes de travail. Très sérieux. Non, mais c'est très sérieux. C'est étonnant de dire ça, mais c'est un énorme boulot. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on voit, par exemple, des mauvaises critiques ou des artistes comiques qui sont reconnus ou vraiment extrêmement tardivement, parce que ils ont beaucoup souffert de ça, parce que ce sont des grands acteurs. En fait, on dit que c'est un comique, Pierre Richard est un comique, ou De Funès est un comique. Non, ce sont de grands acteurs, de grands comédiens, qui sont passés par énormément de choses. Par exemple, par la musique. Pierre, ou la danse. Pierre était un super danseur. Mais il a failli travailler pour Maryse Béjart. Pour Maryse Béjart, oui, il a, bah, fort heureusement pour nous, pour le cinéma, il a refusé. Mais ce que je veux dire, c'est comme une partition de musique, la comédie. On parlait de la rythmique, et des gags. C'est comme une partition de musique. Quand il y a une fausse note, ça marche pas. Bah là, c'est exactement pareil. Que vous soyez à temps ou à contre-temps. Et pour revenir au buddy movie, c'est vrai que c'était assez novateur en France. Alors j'essaie de réfléchir à ce qu'il y avait d'autres à part Bourville et De Funès. Effectivement, il y a Depardieu et Pierre Richard, mais Jacques Brel et Lino Ventura. Oui, Weber, oui, j'avais Oui, mais le scénario. Vous avez la réponse parce qu'ils étaient ensemble au cabaret, mais ils ont fait qu'un seul film ensemble, je crois. Il n'y a pas eu plus de Lanou, Pierre Richard, parce que bon, il y a eu La Carapate, mais pourquoi est-ce qu'on les a pas plus vu ? Il y a une petite séquence dont je sais rien, mais je dirais tout, qui est un hommage justement à leur sketch qu'on retrouve donc ce film de 73. Je pense qu'il y a eu une période où effectivement déjà ils ont travaillé plusieurs années ensemble, trop longtemps peut-être. Et puis après ils se sont chacun a parti faire sa carrière. Donc c'est sans doute une des explications, mais effectivement on aurait très bien pu avoir un duo Lanou Pierre Richard qui fonctionne d'ailleurs très très bien dans La Carapate. Mais dans le duo Pierre Richard Depardieu, il y a quand même un truc aussi que ça interroge. En ce moment, on parle que de ça, la masculinité, le virilisme et tout. Enfin, ce qui est dingue dans ce buddy movie, c'est que effectivement, ils n'ont rien en commun, mais ils n'ont surtout rien en commun en tant que hommes. C'est-à-dire, on a un grand blond rêveur qui se prend les portes, qui a une schkoumoune pas possible, qui sait pas donner des coups de boule, enfin, qui même quand il essaye de braquer une banque trouve moyen de tomber sur un ancien repris de justice et de le prendre en otage, enfin vraiment, mais... Et en face, cette espèce de montagne de virilité, de confiance en lui qu'incarne dans les trois films Depardieu. Et à chaque fois, ce qui est vraiment beau, c'est que la logique se renverse. C'est-à-dire que la grosse brute, d'abord suragacée, Capella, finit par fondre, c'est-à-dire finit par être attendrie par cette espèce d'Olibrius qu'il a en face de lui. Et la plupart du temps, c'est l'Olibrius, c'est grâce à lui que finalement le film se clôt, se résout, que l'histoire finit bien. Donc il y a vraiment quelque chose sur l'anti-masculinité primaire, quoi. C'est le grand machin rêveur qui est plus fort que l'autre. Finalement. Merci Guimette, vous m'avez donné envie de voir des grands machins rêveurs. On a encore déconstruit l'homme. Mais oui, mais non, mais c'est... Ah mais bah c'est, si, mais... alors s'il y a bien quelqu'un qui déconstruit l'homme, c'est bien Pierre Richard. Je veux dire, justement, en se cassant la gueule tout le temps, il déconstruit de ouf, lui. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Guimette Odissino, Thomas Croisière, Grégory Moreau, Yann Marchais, merci. J'espère qu'on a donné envie aux auditeurs de revoir des films de Pierre Richard. Je vous invite bien évidemment à nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Vous savez comment fonctionne le répondeur. Ou en parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Et qu'est-ce que vous faites, Blénac ? Je me déshabille, monsieur le président. Si je ne vous avais pas arrêté, vous vous mettiez tout nu et vous faisiez le tour de la salle de rédaction. C'est vous qui me l'avez demandé, monsieur le président. Qui de nous deux est le monstre ? Moi qui vous demande d'ôter votre pantalon ou vous qui acceptez de montrer votre derrière ? Demande au Blockbuster. Il est belge ? Mais il ne travaille pas à France Inter. Il est dépressif, mais n'a jamais tourné chez les Dardennes. Il a souvent dit « Formidable !» mais il n'est pas Michel Drucker. Demain, on vous parle de Stromae. France Inter.